Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va revenir sur le concours Ma thèse en 182 secondes. On vous a déjà présenté ce concours dans lequel les étudiants au doctorat doivent présenter leur thèse en 180 secondes, donc 3 minutes. Les finalistes de l'INRS ITE ici à Québec étaient venus présenter leur thèse à Futur Simple. La finale provinciale a eu lieu la semaine dernière et la grande gagnante du Québec est Karine Mona, étudiante à l'Université de Montréal. Elle est au téléphone avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Alors d'abord, félicitations, j'ai eu la chance d'assister à la finale. Il y avait, je crois, 17 candidats. Puis il faut bien le dire que le niveau était quand même assez relevé et surtout, on s'ennuyait pas du tout à vous écouter tous à dire votre thèse en 180 secondes. J'ai passé une bonne soirée. Karine, dites-moi, vous êtes étudiante au doctorat, mais vous aimez parler de sciences puisque vous aimez la vulgarisation, puisque vous participez à ma thèse en 180 secondes, mais vous êtes aussi animatrice et réalisatrice d'une émission de science à la radio? Oui, tout à fait. C'est sans doute un peu l'homologue de Futur Simple, mais à Montréal, je dirais. Oui. Donc, nous, on est... c'est l'œuf ou la poule. C'est une émission, en effet, de science sur la radio web de l'UQAM, choc.ca. Mm-hmm. Pour faire ça court, c'est 45 minutes tous les lundis. Donc, c'est surtout axé autour d'une entrevue, assez longue entrevue de 20 minutes avec un ou une invitée. Et on a 4 chroniques qui tournent. Donc, on a l'actualité des sciences par Marion Spé, toxicologie environnement, c'est Élise Caron-Baudouin. On a une chronique mathématique avec Nadia Lafrenière et Stéphanie Schank. On a une chronique femmes et sciences. Ben, pour l'instant, en pause, c'est Marianne Desautels. Et on a, pour finir, un agenda scientifique pour valoriser un peu toutes les activités qui se font, ben, c'est vrai, surtout à Montréal, mais au Québec, s'il y a lieu. Mm-hmm. Donc, effectivement, on a des émissions un petit peu sœurs. Donc, cet intérêt à partager la science que vous avez, donc soit à ma thèse, à des activités comme ma thèse en 180 secondes ou à la radio, est-ce que, selon vous, c'est partagé par d'autres scientifiques, par d'autres chercheurs? Est-ce que les chercheurs se doivent de sortir de leur labo, d'aller à la rencontre du public d'une façon ou d'une autre? Alors oui, ça c'est toujours une question un peu compliquée. Je pense évidemment que oui, les chercheurs devraient tout à fait pouvoir aller rencontrer le public, que ce soit via des médias comme la radio ou via des événements. Là, je pense à Pinte de Science, oui, que vous allez aussi avoir à Québec d'ailleurs assez bientôt, je pense que c'est la semaine prochaine au mois de mai, là. Oui, oui. Donc typiquement des événements comme ça, là, c'est tout à fait l'occasion pour les chercheurs de sortir de leur labo. Après, je comprends qu'au vu du fonctionnement de la recherche, que d'eux-mêmes, ils n'aient pas le temps de se dire, tiens, je vais organiser une conférence ou je vais faire un blog. Tout le monde ne peut pas se permettre parce que malheureusement, ce n'est pas ce qui est valorisé les agences qui donnent des fonds, je dirais. Donc c'est ça, mais c'est sûr que nous on le voit avec la radio, là dès qu'on peut en recevoir, on voit bien qu'ils sont accessibles et que ça leur fait plaisir de partager leurs recherches. Absolument. Donc venons-en maintenant au sujet de votre thèse. Donc vous travaillez sur la formation, la division des cellules pour former la rétine. Donc c'était quoi le problème au départ? Alors le problème au départ, je dirais que mon chercheur, là, Michel Caillouette, donc à l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui d'ailleurs, je crois, a fait son baccalauréat à Québec, un petit clin d'œil à Québec. Mm-hmm. Mais c'est ça. Il avait découvert il y a quelques années déjà qu'en majorité, on avait, alors on comprendra si je vous fais mes 3 minutes, oui, mais oui. En majorité, on avait des divisions horizontales, et ça, on sait que ça crée 2 cellules identiques. Mais vu qu'au final, dans la rétine, on a des cellules différentes, il a vu apparaître des divisions verticales. Et il s'avère que dans le temps, dans le développement, pendant la grossesse, elles apparaissent à un temps précis, alors qu'elles sont absentes le reste du temps. Donc la problématique, c'était ça, c'était de se demander pourquoi à ce stade-là du développement, on a là d'un coup des verticales, alors que jusqu'à maintenant, on n'avait que des divisions horizontales et tout semblait correct. Donc c'est vraiment ça, c'est de comprendre pourquoi la rétine, à un moment, elle se tournait à la verticale. La division, elle se tournait à la verticale. Ouais, d'accord. La question de départ, c'était ça. Ouais. Alors maintenant, on va écouter un petit peu la réponse. Donc, je vais vous laisser faire votre thèse en 180 secondes, d'accord? Ok, d'accord. Alors c'est pas... que je fasse attention parce que je fais des gestes. c'est vrai. Ouais. Alors, c'est parti. Allons-y. Alors, donc, vous savez comment on fait les bébés. Mais savez-vous comment ils se développent? Pendant la grossesse, on passe d'une cellule à des milliards de cellules différentes. Et ça, c'est grâce à un processus essentiel que sont les divisions des cellules. Elles se divisent en deux, puis chacune en deux, etc. Et l'embryon grossit. Et moi, ce que j'étudie, c'est le développement de l'œil, plus exactement de la rétine. Et ma question, c'est celle-ci. Comprendre comment on passe d'une cellule à ces milliers de cellules différentes. Qui assure la diversité des cellules? Donc, il existe deux types de divisions. C'est celle qui donne des cellules identiques ou bien celle qui donne deux cellules différentes, comme je viens un peu de le dire. Donc, imaginons ensemble une pomme comme une cellule. Alors, une pomme bicolore. Donc, oui, les faiseurs d'OGM n'ont pas encore créé exactement de telle pomme, mais qui sait? Donc, j'ai une pomme rouge en bas et verte en haut. Si je la coupe à l'horizontale, j'obtiens deux parties, chacune rouge et verte. Mais maintenant, si je la coupe à l'inverse, à la verticale, de haut en bas, j'obtiens une partie toute rouge et une partie toute verte. Donc, vous voyez tout de suite qu'en fonction du sens dans lequel je coupe ma pomme, j'obtiens deux parties identiques ou différentes. Et là, dans nos rétines, les auditeurs, les auditrices, en général, on a tous 90% de photorécepteurs. Donc ça, c'est des cellules qui transforment le signal lumineux en signal électrique. Et pour les produire, on a besoin de beaucoup de divisions horizontales qui assurent les photorécepteurs. Maintenant, il faut quand même générer les 10% de neurones qui restent, et c'est là qu'apparaissent les divisions verticales. Donc moi, je me demande qui donne l'ordre de se diviser à la verticale. Donc mon projet de thèse a commencé comme ça, par le choix d'un gène peu étudié, mais qu'on savait actif pendant la division des cellules. Alors, je vous le présente tout de suite. J'ai passé des nuits entières avec lui dans le noir. Il m'a fait pleurer, sourire. J'ai manqué des soirées cinéma et sauté des repas. C'est le gène SAPCD2. Alors, SAPCD2, pour l'étudier, je m'installe au microscope, je regarde une rétine de souris normale, et là, j'observe, comme attendu, une majorité de divisions horizontales. Maintenant, je la compare avec une rétine de souris dans laquelle il manque SAPCD2, et qu'est-ce que je vois? Beaucoup plus de verticales. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sans SAPCD2, j'ai plus de verticales, donc ça veut dire quand il n'est pas là, il maintient les horizontales. Maintenant, ma dernière question, c'est comment fait-il? Et là, je vais chercher qui sont ses amis. Donc, c'est un peu comme vous dans la vie. Si je veux savoir ce que vous faites, si je sais qui sont vos amis Facebook, ça me donne un indice. Donc là, pour SAPCD2, on a trouvé le gène LGN, super connu dans le monde de la division. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Si je reprends ma pomme, quand SAPCD2 est sur le dessus, c'est lui qui coince LGN, en fait, sur les côtés. Et LGN, il tire pour faire la division horizontale. On a deux photorécepteurs. Maintenant, quand SAPCD2 n'est plus là, LGN est capable d'aller au-dessus. Il tire cette fois à la verticale, ça nous donne deux cellules différentes et ça assure la diversité. Et c'est comme ça qu'on a fait la une d'un journal en biologie. On a découvert un nouveau régulateur de la diversité des cellules. On en sait plus sur le développement de la rétine. Et comme ça, SAPCD2 est exprimé ailleurs dans le corps, c'est la porte ouverte à de nombreuses autres études. En terminant, j'espère que vous ne mangerez plus jamais une pomme de la même façon. Ben, voilà. Effectivement, ben, je pense qu'on même, on ne coupera plus jamais une pomme en deux de la même façon. Alors, maintenant, on peut réfléchir dans quel sens on va la couper. Voilà, exactement. En fait, le temps passe très vite. J'aimerais savoir, est-ce que il va y avoir, il y a certainement une suite à cette étude-là? Oui. Parce que Moi, je devrais finir ma thèse avant Noël. Donc, pour ça, ma dernière question, en fait, on a créé une souris au laboratoire dans laquelle il manque les deux gènes, aussi bien LGN que SAPCD2. Parce qu'en fait, j'ai une camarade, Marine Lacombe, qui a fait la même étude que moi, elle sur LGN complètement, enfin seulement sur LGN et moi seulement sur SAPCD2. Là, on s'est dit, on va se mettre ensemble et on va faire une souris dans laquelle il manque les deux. Et là, on va regarder à différents stades qu'est-ce qui se passe. On met un degré de complexité un peu au-dessus pour essayer de comprendre l'imbrication encore plus entre les deux gènes. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un chapitre, faudra insérer un autre chapitre dans ma thèse à 180 secondes pour la finale au Maroc? Oui. J'espère avoir d'autres résultats. Mais ceci étant, je n'ai pas le droit de changer mon texte. Ah. Alors, résultat ou pas, je vais rester avec celui-ci. D'accord. Alors, Karine, je vous merci beaucoup pour cette prestation à la radio. Puis bien surtout, on vous souhaite la meilleure chance au Maroc, là où se tiendra la finale internationale. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci pour votre intérêt de m'avoir appelé aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, nous étions en compagnie de Karine Mona, qui est étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et gagnante à la finale provinciale de ma thèse en 180 secondes. Et nous, bien, on vous propose pour les 180 secondes prochaines un peu de publicité sur CKRL au 89.1.